La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour le deuxième épisode de notre série consacrée à l'écrivain italien Italo Calvino, série qui vous est proposée par Laurence Genpin, Laurane Travaglisciana, Laurence Millet, Didier Pinault et Anne-Vanessa Prévost. À la console, c'est Jean-Frédéric. Fils de scientifique, résistant et maquisard à 20 ans, communiste déçu par le stalinisme, éditeur chez Einaudi, parisien en ermitage marié à une femme argentine qui vivait dans la capitale française et avec qui il aura une fille, Calvino est surtout bien évidemment l'un des plus grands écrivains italiens de la seconde partie du XXe siècle. Et c'est avec Marie Favre que nous avons raconté sa vie hier dans une émission toujours disponible en podcast. Œuvre pivot dans sa trajectoire d'écrivain, sa trilogie Nos Ancêtres, qui compte Le Vicomte Pourfendu, Le Baron Perché et Le Chevalier Inexistant, reparaît en ce moment chez Gallimard dans une nouvelle traduction de Martin Rueff. Martin Rueff qui sera justement demain mon invité pour en parler. Et puis nous terminerons la semaine sur les années parisiennes de Calvino, ce qui nous permettra de parler de son rapport à l'avant-garde littéraire française, Lou Lippo et Raymond Queneau en particulier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour un premier parcours dans l'œuvre de Calvino, nous sommes avec Philippe Darros, professeur de littérature à la Sorbonne Nouvelle, auteur de différents essais sur Bocas, Cervantes, Leopardi, Baudelaire, Pessoa, et donc aussi sur Calvino, à qui il avait consacré son tout premier livre, publié en 1994. C'était aux éditions Hachette. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je pense que Calvino n'est pas très loin justement d'Edgar Poe. Il y a un côté Edgar Poe dans Calvino parce qu'il pose une sorte de situation qui en général est, disons, irréaliste du point de vue de la vraisemblance du monde, mais cet irréalisme n'est que dans la donnée de départ parce qu'ensuite cette situation irréaliste est développée d'une façon implacablement réaliste et implacablement logique. Il y a donc chez lui ce premier charme qui est un charme du développement. On peut le dire au sens mathématique, au sens logique du mot, comme une équation qui se développe bien et infiniment avec beaucoup d'élégance. Mais on pourrait le dire aussi d'une façon plus inattendue et plus triviale dans un sens cycliste, comme on parle du développement d'une bicyclette. C'est-à-dire qu'il y a un régime. Il y a un régime de la roue, il y a un régime de la marche, du fonctionnement, qui est un régime extrêmement apaisant au bon sens du terme. Roland Barthes explorant cette ligne de crête entre réalisme et irréalisme, sans cesse parcourue par Italo Calvino dans ses livres. Bonjour Philippe Darros. Bonjour. On ne va pas vous demander de trancher tout de suite cette question réalisme ou irréalisme dans l'œuvre de Calvino, tout simplement parce que son œuvre est d'abord un parcours, et un parcours qui réconcilie peut-être justement ces deux pôles, Philippe Darros. Ou qui les disqualifie. Mais effectivement, je relisais des pages donc consacrées par Calvino à la question du réalisme, mais il insiste pour dire que la littérature n'a pas à être strictement réaliste, parce que pour rendre compte de manière réaliste de la réalité, dit-il, l'essai de sociologie, le journalisme, etc. suffisent. Au fond, la prise de position de Calvino est claire. Quelle est la spécificité de la manière dont la littérature rend compte d'une relation avec le monde? Cette spécificité ne peut pas être celle des vecteurs de la communication traditionnelle, c'est-à-dire le journalisme, la sociologie, etc. Et donc, la remarque de Roland Barthes est une remarque qui effectivement synthétise le dépassement de cette opposition, puisqu'on part, dit-il, d'une image qui la plupart du temps est irréaliste, disons plutôt qu'elle est énigmatique, et ensuite la fiction va essayer d'explorer logiquement tous les parcours que cette image peut suggérer à l'imagination. Ce qui, soit dit en passant, est un modèle que Calvino emprunte au régime de l'image, de la métaphore, y compris dans le discours scientifique. Mmh. Donc on peut dire qu'il y a une volonté de faire en sorte que la littérature traite de manière spécifique de problèmes de la relation entre l'homme et le monde, différemment des autres langages. Voilà. Alors il y a quand même tout un parcours justement chez Calvino qu'on va essayer de dérouler avec vous, Philippe Darros. Et la première étape de ce parcours, c'est l'étape néo-réaliste. Il faut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est que ce courant italien, peut-être un peu aussi portugais à cette époque-là, qu'on a appelé le néo-réalisme. Il sort probablement d'un phénomène historique qui est le développement du tissu urbain, de l'industrialisation et surtout une volonté de la part de la littérature italienne de sortir des codes traditionnels du 19e siècle où le roman en Italie était peu représenté. Le roman n'a pas une grande histoire, une grande tradition dans l'Italie du 19e, contrairement par exemple au grand roman de la tradition du 19e siècle en France. Le néoréalisme apparaît donc comme une volonté de rétablir une relation directe entre l'histoire, la littérature et la question du sujet. Parce que le néoréalisme italien est indissociable de la politisation de la littérature italienne. Et de la réaction au fascisme de Mussolini. De la réaction à toutes les dominations, effectivement, d'une littérature très souvent marquée par une idéalisation du personnage à travers des standards fascistes de la représentation. C'est toute la littérature jusqu'aux années 40. Le néoréalisme, au fond, est un engagement démocratique de la littérature dans l'immédiate après-guerre, s'intéressant, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, paru significatif, de très près, par exemple, à l'œuvre d'un critique comme Walter Benjamin, à un moment où il est totalement ignoré en France. Et Calvino s'intéresse très vite à la question, au fond, de donner la parole à ceux qui n'ont jamais eu la parole. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est le lien entre néoréalisme et, je dirais, restitution d'une parole collective, comme l'expérience de la résistance dans l'après-guerre. Il est évident que Calvino ayant été partisan, étant communiste aussi à cette époque-là, il ne peut pas être autre chose qu'un écrivain néo-réaliste. Et pourtant, quelque chose le gêne. Et c'est peut-être une certaine forme de lourdeur. On sait que la légèreté est pour Calvino l'un des grands attributs de la bonne littérature. C'est ça qui, au fond, ennuie Calvino. Bon, la légèreté sera une valeur fondamentale qu'il reconnaîtra comme telle un petit peu plus tard. D'ailleurs, peut-être faut-il expliquer ce qu'il entend par légèreté, parce que ça n'est pas une notion évidente pour être associée à la littérature. La légèreté, au fond, est une manière de raconter qui évite la pesanteur de tout ce qui est lourdement descriptif, de tout ce qui est lourdement explicite. La légèreté, au fond, est une économie du récit, une manière d'essayer de se rapprocher de ces formes essentielles qu'ont toujours été pour Calvino celles du conte. Et s'il y a quelque chose d'intéressant dans la manière dont Calvino se saisit du néoréalisme, c'est à travers deux paramètres. D'abord, la brièveté. Les récits néoréalistes, la plupart du temps, sont des récits extrêmement brefs et non pas des romans au sens d'une forme longue. Et deuxièmement, le refus absolu, au fond, d'un réalisme qui serait lié au pathétique. Et Dieu sait si le pathos aura été lié au néoréalisme italien chez d'autres auteurs avant l'après-guerre. La légèreté, au fond, est une manière de ne pas insérer le texte littéraire dans une épaisseur psychologique ou l'engluer dans une forme longue. Mais c'est difficile d'être léger quand on est soi-même très conscient des difficultés du monde qui nous entoure, et la légèreté peut paraître une sorte de trahison à la cause. Et c'est peut-être ça qui va gêner dans un premier temps Italo Calvino pour sortir de cette veine néo-réaliste. Il y a certainement, a priori, un apparent paradoxe entre la légèreté et la question au fond de ce qu'on a pu historiquement appeler celle de l'engagement. Mmh. Bon. Il est clair que la réponse chez Calvino passe par la fascination qu'a exercée tout au long de sa vie le conte. Il dit quelque chose qui est vraiment très intéressante. Il dit qu'on ne peut pas considérer que le conte est vrai ou faux, réaliste ou irréaliste. Il dit que le conte est anthropologiquement, du point de vue de la vie, un élément fondamental pour comprendre la relation entre les hommes et l'histoire. La légèreté chez Calvino passe par une forme, qui est celle du conte, mais parce que le conte peut être politiquement absolument essentiel pour comprendre la relation avec le monde. Je crois au récit, je crois à la nouvelle, je crois à la petite histoire racontée comme une tradition qui appartient à l'humanité entière. Je pense que dans les tribus primitives aussi, il y avait un conteur de la tribu qui avait la tâche d'expliquer le rapport entre les choses, entre les signes de la vie humaine dans une façon narrative. Je pense que le récit a été la première logique humaine. La première façon de mettre en rapport des signes qui correspondent aux expériences humaines. Sont des rapports que le conteur construit. Il donne un début et une fin aux histoires humaines qui en soi sont toujours sans début et sans fin. Ils donnent une logique. La compagnie des auteurs sur France Culture, au fond Philippe Darros, on peut considérer que Calvino s'est découvert conteur. Il a compris, ou il a laissé en lui le conteur émerger. Oui, certainement. Je pense que le conte aura été, le monde du conte aura été un élément de fascination dans la vie de Calvino. En le réécoutant, je suis toujours frappé par le paradoxe de la difficulté de sa parole orale, qu'il reconnaissait comme telle. Mais à l'origine, les choses sont tout à fait claires. Il dit avoir été frappé par la façon dont la résistance a créé une parole spontanée collective. Il insiste pour dire que la résistance avait créé des réservoirs d'histoire chez les gens qui avaient participé à cette expérience. Il y a là quelque chose d'intéressant, parce que c'est une conception de la littérature qui n'est pas une valorisation de la subjectivité de celui qui écrit, mais plutôt la valorisation de la restitution d'une expérience collective. Cette idée-là est probablement une constante qui explique le refus de la psychologie dans le roman de Calvino, qui refuse absolument aussi un investissement autobiographique de quelque nature que ce soit. Le conte aura été probablement une façon de redonner à la littérature une dimension collective. Et pourtant, le conte, chez Calvino, il apparaît avec la trilogie Nos Ancêtres, dont on parlera d'ailleurs en particulier demain avec Martin Rueff, davantage que dans ses récits de résistance, qui sont précisément les récits néo-réalistes. Donc, un peu au contraire de ce que vous venez de dire, on a l'impression que le conte, ça va être la trajectoire imaginaire, fantastique, d'un personnage individuel, inventé. Entre les deux, il me semble que deux œuvres ou deux activités littéraires de Calvino jouent un rôle essentiel. L'un, c'est le travail qu'il effectue, alors dans une perspective véritablement ethnographique, de recension de tous les contes italiens. On est dans les années 50, il tient absolument à tirer de l'oubli ce patrimoine collectif. Il va y passer 3 ans, mais il y a là véritablement un engagement très fort de la part de Calvino de restauration d'une parole collective. Et le deuxième élément, c'est Marco Valdo. Parce que Marco Valdo, qui est un texte, un roman constitué, enfin non, une œuvre constituée d'un ensemble de récits brefs autour d'un personnage qui s'appelle Marco Valdo, est à la jonction exacte de l'aspect d'un engagement politique. Marco Valdo est le petit ouvrier dans la grande ville qui est la métropole turinoise, et en même temps Marco Valdo est un héritier de la bande dessinée qui fascine Calvino dans son adolescence et du premier cinéma de Chaplin. Marco Valdo est à la jonction en quelque sorte d'une expérience politique, parce qu'il est l'exemple même de l'ouvrier aliéné, mais traité de façon qui est celle de la bande dessinée. Et c'est quelque chose qui traduit assez bien, au fond, le rapport au conte. Il n'est pas exclusif d'un engagement, il est simplement une préoccupation formelle de traiter cet engagement. Parce que le conte peut aussi paraître comme une forme un petit peu conservatrice, quand elle consiste à dire l'histoire est porteuse d'une morale, l'histoire signifie quelque chose. Et Calvino n'est pas un conservateur, et même bien au contraire. Ça, c'est une remarque fondée, intéressante. C'est-à-dire, le conte est d'abord porteur, dirait Calvino, moins d'une morale que d'une vérité anthropologique. Il y a une phrase de Calvino qui est vraiment, je crois, essentielle. Les fiabes sont vraies, les contes sont vrais. Et cette notion-là est une notion qui, effectivement, fait du conte un parcours tout à fait élémentaire, à l'intérieur duquel des éléments fondamentaux de la vie humaine sont présents. Je pense que Calvino aurait répondu à cette remarque sur la morale. Non, le conte est d'abord la somme des expériences humaines partageables par chacun d'entre nous. Et la vérité du conte, c'est ça. Mmh. C'est sa réalité partageable par chacun d'entre nous, indépendamment de la morale. Donc, il y a le conte qu'il aime beaucoup, et en même temps, il s'intéresse au nouveau roman. Ça paraît pas très compatible non plus. D'un côté, une forme, encore une fois, millénaire, et de l'autre côté, une forme, on dirait aujourd'hui, disruptive. Il y a probablement plus d'ambiguïté que vous ne le dites sur le rapport entre Calvino et le nouveau roman. Si vous lisez les textes qu'il consacre, les essais critiques qu'il consacre dans des revues universitaires ou des revues, je dirais, de réflexion en Italie dans les années 60, l'attitude qui est la sienne par rapport à celui qu'il considère comme le représentant le plus emblématique du nouveau roman, qui est Rob Grillet, est une attitude extrêmement réservée. Le titre de l'un de ses essais les plus connus, d'ailleurs, s'appelle « La mère de l'objectivité »,« Il mare dell'oggettività ». Et c'est une dénonciation de la neutralisation, précisément, des enjeux éthiques, idéologiques, tel qu'il le perçoit dans le nouveau roman, et il en fait une critique. Ce qui va intéresser Calvino, et vous le rappeliez tout à l'heure, dans le parcours de sa vie, c'est la sensibilité qu'il va développer, vivant à Paris, à ce qu'on a pu appeler le structuralisme ou la déconstruction. Mais il s'agit plus, en quelque sorte, d'une contamination existentielle liée au séjour parisien et au fait que Calvino ne se sentait plus à l'aise dans la littérature italienne des années 60. Précisément à cause de cette question de la rupture avec l'engagement idéologique, il part à Paris, bon, pour des raisons existentielles, son mariage, etc., mais il part aussi à Paris pour se désengluer, dit-il, au fond, de l'engagement politique qui pour lui n'a plus de sens. C'est le moment où il écrit le Temps zéro, qui est un ensemble de récits brefs, qui sont tous expérimentaux, alimenté par une réflexion théorique et la déconstruction plus que le nouveau roman. Mais il restera quand même toujours engagé d'une certaine façon, même si c'est peut-être pas de la manière dont ses camarades souhaiteraient qu'il soit engagé. Quand il écrit en 1958 « La journée d'un scrutateur », c'est un récit engagé Et c'est après l'année 1957 où il a démissionné du Parti communiste italien. Et puis même 2 ans plus tôt, en 55, dans la Moelle du Lion, une de ses conférences, il avait expliqué que l'engagement politique était une nécessité naturelle de l'écrivain. Donc on sent bien toute la tension finalement de Calvino par rapport à ce qu'il croit et l'envie d'être libre dans son art, Philippe Darros. J'ai le sentiment, rétrospectivement, au fond, que le parcours d'Italo Calvino est très emblématique de toute sa génération. Je veux dire par là que Calvino aura effectivement été très profondément engagé. Je garde en mémoire des lettres, par exemple, qu'il écrit dans les années 40 et 50, puisqu'il est responsable. Il fait partie du comité éditorial de chez Einaudi et il rend compte de livres qu'on lui envoie. Et je garde mémoire d'un livre dont il déplore, au fond, qu'il ne donne pas à l'ouvrier de la grande ville, un rôle plus positif en termes d'espoir, en termes d'espérance et de révolution. Donc il est tout à fait clair que les critères esthétiques et idéologiques sont très largement entremêlés encore dans les années 50. C'est plus tard, effectivement, lorsque Calvino a cette phrase terrible, enfin après l'invasion communiste à Prague, etc., lorsqu'il dit « Moi, ex-historiciste, convaincu de ma défaite, ça n'est que lorsque cette conviction aura été imposée par l'extérieur et le monde qu'il quittera alors cette conception de la littérature et partira à la recherche de quelque chose où le conte et la forme auront repris de l'importance. » Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous sommes avec Philippe Darros qui nous parle d'Italo Calvino. Calvino qui, dans les années 60, lit avec passion les romans de Raymond Queneau et qui se rapproche de la France et de ses recherches en littérature. Il lit Queneau, il suit les séminaires de Barthes et c'est finalement par une traduction, celle des Fleurs Bleues de Raymond Queneau, qu'il va réellement entrer dans sa littérature à lui, Philippe Darros. Oui, là, on peut dire, je crois, les choses très clairement. L'intérêt intellectuel, je dirais, que Calvino porte au nouveau roman se trouve tout de même mis en doute et mis en question par l'aspect très profondément tragique de l'univers du nouveau roman tel qu'il le perçoit. Par exemple, par l'absence de la question du sujet. Par exemple, par l'absence de la question d'un récit structuré. Et ce qu'il découvre chez Queneau et qui l'enthousiasme, c'est le jeu, le plaisir, le fait que la littérature puisse être, au fond, une activité ludique. C'est ce à quoi il aspire. Oui, ce à quoi, fondamentalement, il aspire. Soit dit en passant, il y a probablement des rapports assez étroits entre le conte et le jeu. Je vous renvoie à Benjamin et un texte comme le narrateur. Mais il est clair que ce qu'apporte Queneau et le groupe de l'Oulipo, disons, c'est une opposition fondamentale à cette littérature de la désincarnation, de l'abstraction. Et il le dit très clairement, lorsqu'il écrit les cosmicomiques en français, il dit que, alors que tout le nouveau roman s'oppose à l'humain, lui écrit un ensemble de récits qui totalisent l'expérience, au fond, biologique de l'évolution de l'humanité. Donc, ce qui le fascine chez Queneau, c'est, si j'en dire, la corporéité, l'aspect de corps qui est présent dans cette littérature et de jeu. Donc vous dites qu'il s'intéresse à l'homme, à l'humain, et en même temps il s'intéresse à plus loin que l'humain, parce que c'est les abîmes du monde qui vont l'intéresser, la remontée aux origines. Là on est déjà dans une nouvelle phase, après le néoréalisme et les contes, on est dans une nouvelle phase de l'écriture de Italo Calvino, Philippe Darros. Oui, mais une lecture simplement rapide de ces textes qui s'appellent Cosmicomics fait apparaître tout de même l'omniprésence d'une voix, qui est celle d'un personnage tout à fait improbable, puisqu'il est en mutation continue du point de vue de son apparence physique. Mais ce personnage, QFWFQ... C'est le nom du personnage, s'exprime de façon très profondément humaine, quelle que soit l'apparence qui est la sienne, qu'il s'agisse d'un animal, d'une comète, etc. Il a toujours cet aspect très profondément anthropomorphe, en quelque sorte. Et même dans ses récits, il est tout à fait clair que QFWFQ est aussi une de ces voix qui est porteuse du conte à travers le récit. Et en même temps, vous avez raison, il est une totalisation bien au-delà de l'expérience purement physique du monde que nous habitons. Il est une tentative de reconstitution imaginaire de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Alors on a vu hier avec Marie Fabre que les sciences n'étaient pas tellement le fort d'Italo Calvino. Et là, dans ce troisième moment de son parcours d'écrivain, on a l'impression que les sciences reviennent un peu comme le refoulé. Et tout d'un coup, elles entrent dans sa littérature. Il est stimulé par un certain nombre de lectures scientifiques et notamment par l'astronomie, Philippe Darros. C'est les parents qui reviennent d'une manière détournée dans son inconscient, c'est ça ? La fascination, je préfère le mot de fascination pour la science, l'aura accompagné toute sa vie. Je veux dire par là que, n'oubliez pas, que celui qu'il qualifie comme ayant été le plus grand écrivain italien est Galilée. Bon. Et il y a quelque chose qui traverse la totalité de la vie de Calvino, c'est l'imaginaire au fond de la science comme réservoir d'images. J'en discutais avec un épistémologue des sciences, Monsieur Lévy Leblond, qui était profaniste à un moment où je m'y trouvais aussi, et Jean-Marc Lévy Leblond insistait pour dire au fond que les sciences sont elles aussi tributaires d'un imaginaire fondateur. C'est à partir d'un imaginaire métaphorique qu'un discours scientifique peut tenter de valider des parcours d'hypothèses. Il est clair que tout au long de sa vie, Calvin aura été fasciné par la science comme un réservoir d'images énigmatiques. Mmh. Et on retourne à un propos que vous teniez au début de cette émission, à savoir, à partir de Roland Barthes, le fait que la narration est un potentiel qui est, non, est un élément qui exploite le potentiel même des images. La fascination de Calvino pour la science, au fond, est la fascination pour le pouvoir des images. Mmh. Donc, fascination pour la science. Queneau, c'est ça en partie. L'Oulipo, c'est ça en partie. Est-ce que c'est pas aussi, Queneau, un intérêt pour la philosophie? Parce que Queneau s'intéressait beaucoup à Hegel, notamment. Est-ce que il n'y a pas de la philosophie, tout simplement, chez Calvino? Et par ce biais-là, finalement, par le biais de Queneau, Calvino rentrerait aussi dans un aspect de son œuvre qui serait davantage philosophique? Oui, il le dit très explicitement. Lorsqu'il traduit Les Fleurs Bleues, après avoir notamment beaucoup lu Le Chien d'An, un certain nombre de textes de Queneau, Calvino explique très clairement que l'intérêt qu'il porte à Queneau est aussi lié, je dirais, à la réflexion philosophique post-hégélienne de Queneau. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais l'intérêt de Calvino pour Kojève, par exemple, passe par Queneau. Un autre philosophe que Queneau lisait beaucoup. Voilà, étant entendu qu'il s'agit de réfléchir au fond sur la question de la situation historique de l'homme dans une société postmoderne, ce qui est un élément qui aura vraiment beaucoup importé à Calvino. Il y dédicacera, enfin il en tirera un récit assez bref qu'on pourrait presque appeler un conte à la fin de sa vie, qui s'appelle « La poubelle modèle agréé ». Et qui est une réflexion, au fond, sur le rapport à la norme que nous avons dans une société post-capitaliste comme la nôtre. On va continuer, Philippe Darros, de parler de l'œuvre d'Italo Calvino avec vous dans quelques minutes, juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. en compagnie des revues, et en l'occurrence aujourd'hui en compagnie de la revue Critique avec son directeur Philippe Roger. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Je sais que vous aimez la littérature italienne et Calvino en particulier. Quelques mots peut-être pour commencer sur cet écrivain. Oui, c'est un éblouissement qui m'a pris quand j'ai... Le premier Calvino que j'ai lu, sans doute phénomène d'époque, c'était Les Villes Invisibles. Qu'on lisait dans une atmosphère très borgésienne, mais tout est tellement magnifiquement drôle, tellement... Vous avez évoqué déjà avec Philippe Darros les Cosmic Comics, cette espèce d'anthropomorphisme ébouriffant, la trilogie dont vous parlerez demain avec Martin Rueff, bien sûr. Mais La Journée du Scrutateur, je suis très content qu'on l'ait évoqué parce qu'elle a longtemps été peu connue et un peu mal aimée. Et pour moi, c'est l'exemple même du conte qui a une portée entre éthique et politique d'une force poignante. Hein. Calvino est peut-être prodigieusement drôle, il peut être aussi grave, déchirant. Mais je voudrais ajouter simplement que il y a aussi les textes critiques de Calvino. Hein. Il y a deux volumes, plus de 1000 pages, sous le titre « Défi au labyrinthe », publié au Seuil. Hein, il est un lecteur prodigieux. Et ça nous mène directement aux critiques écrivains auxquels votre revue consacre son numéro de juin-juillet. C'est Jean Starobinski, avec pour sous-titre « Haute fidélité ». Oui, alors la transition est d'autant plus aisée que Jean Starobinski avait préfacé l'édition italienne des romans et récits de Calvino chez Mondadori. Et on trouve cette préface, puisque décidément Martin Rueff est sur tous les fronts, on trouve cette préface, l'allègement narratif, hein, c'est pas le développement dont parlait Barthes, mais c'est l'allègement dont parle Starobinski dans l'anthologie La beauté du monde, anthologie donc des écrits de Jean Starobinski sur la littérature et les arts, qui a paru en quarto en 2016. Alors, Haute fidélité, c'est aussi un clin d'œil à Starobinski mélomane, mais peut-être plus encore, c'est un clin d'œil à vous-même, puisque Critique avait déjà consacré un numéro spécial, il y a quelques années de cela, à Jean Starobinski. Oui, en effet, en 2004, disons que la fidélité est réciproque, et Jean Starobinski, pour ce numéro de 2018, nous fait un très beau cadeau, puisqu'il nous a autorisé à republier l'introduction écrite pour son tout premier livre, livre sur Stendhal, qui est introuvable depuis longtemps. Texte de jeunesse, donc écrit en 1944, et la date compte ici, hein, et qui est consacré à l'élan vers la liberté qui porte les personnages stendhaliens. Et liberté, résistance, autonomie, je crois qu'il y a là le fondement existentiel qui n'a jamais cessé d'orienter la démarche critique, et j'ajouterai l'éthos critique de Jean Starobinski. Alors notre numéro pose au fond une question simple, mais qui est presque toujours éludée, celle de la méthode Starobinski. Car Jean Starobinski est un merveilleux lecteur, hein, tout le monde le sait, mais il n'y a pas seulement une manière Starobinski qui est coulée dans une écriture dont chacun peut éprouver le charme, il y a bien en effet une méthode et une théorie de la lecture. Et cette méthode, elle tient son origine, son originalité d'une réflexion sur la distance, sur la bonne distance à laquelle le critique doit se tenir vis-à-vis du texte lu. Distance absolument nécessaire, nous dit Starobinski, non par un souci de d'on ne sait quelle objectivité, encore moins par souci de neutralité, nécessaire parce qu'elle permet l'autonomie du texte. Le premier travail du critique, ce n'est pas d'analyser le texte qu'il lit, c'est de le faire consister et presque exister. D'où la place singulière de Starobinski entre la tradition herméneutique et le structuralisme littéraire. On sait que la critique structuraliste lui paraît trop immanentiste. Hein. Pour lui, le texte n'est pas une monade. Le texte a des portes et des fenêtres ouvertes sur le monde, mais l'ouverture doit avoir ses limites. L'œuvre littéraire, c'est pas non plus l'auberge espagnole du proverbe, hein, celle où on apporte son manger, car là, alors on ne dînerait jamais qu'en tête-à-tête avec soi-même. La liberté du critique, ce n'est pas la licence, et son premier geste, le geste du critique, doit être de garantir, y compris contre lui-même, l'autonomie et la résistance du texte. Hein, c'est un beau paradoxe. Alors, Clément Rosset, également à la une, rapidement de Critique, ce double numéro. Oui, alors Clément Rosset est mort ce début du printemps. La majeure partie de son œuvre, il a publié plus de 30 livres, il faut le dire, a paru dans les années, à partir des années 70 aux éditions de Minuit et dans la collection Critique que dirigeait Jean Piel. Parmi ses objets de prédilection, le réel, l'image, la joie, la musique, et en bon nietzschéen, il préférait Bizet à Wagner et Carmen à Parsifal. Clément Rosset était un surdoué de l'irrespect, Jean-Claude Bonnet le décrit en Diogène. Il fut l'un des philosophes les plus inclassables de sa génération, comme toute œuvre véritablement singulière, la sienne parle à bien plus que sa génération. Et je suis très heureux que nous ayons rassemblé quatre contributions très différentes, outre celle de Jean-Claude Bonnet, celle de Thierry Hoquet, Marc Cerisuello et Alain de Libera. Voilà, beau programme. Merci Philippe Roger pour ceux qui souhaiteraient évidemment en savoir davantage. Je ne saurais que trop conseiller le numéro de juin-juillet de la revue Critique, actuellement en kiosque. Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs sur France Culture et il est temps à présent de parler des villes invisibles d'Italo Calvino, livre traduit au Seuil en 1974 par Jean Thibaudeau et dont voici un extrait, lui ici par Maurice Cuvelier. Il vient à l'homme qui chevauche longtemps, au travers de terrains sauvages, le désir d'une ville. Pour finir, il arrive à Isidore, une ville où les palais ont des escaliers en colimaçon, incrustés de coquillages marins, où l'on fabrique lunettes et violons dans les règles de l'art, où, lorsque l'étranger hésite entre deux femmes, il en rencontre toujours une troisième, où les combats de coqs dégénèrent en rixes sanglantes, mettant aux prises les parieurs. C'est à tout cela qu'il pensait quand il avait le désir d'une ville. Isidora est donc la ville de ses rêves, à une différence près. Dans son rêve, la ville le comprenait lui-même, jeune. Il parvient à Isidora à un âge avancé. Il y a sur la place le petit mur des vieux qui regarde passer la jeunesse. Lui-même y est assis, parmi les autres. Les désirs sont déjà des souvenirs. Cet extrait des villes invisibles, peut-être le livre le plus célèbre d'Italo Calvino. Que vous inspire-t-il, Philippe Darros? C'est certainement de tous les textes de Calvino le plus proche du poème et de poèmes en prose. Il est clair que la richesse de ce texte est vraiment la richesse de la poésie, à savoir la possibilité d'interprétation à peu près infinie de chacune de ces villes. Il existe évidemment aussi dans les villes invisibles, une composition qui est celle d'une époque, celle où la question de la structure était un élément fondamental et Calvino joue avec des éléments structurels, reproduisant de manière régulière le retour de telle ou telle ville avec tel ou tel thème. Mais je pense véritablement que la raison pour laquelle on peut sans doute considérer que Les Villes Invisibles est le plus grand livre de Calvino, même si cette expression n'a pas forcément beaucoup de sens, est liée à la richesse de l'intensité poétique de ce volume. Voilà. C'est vraiment quelque chose que l'on retrouve aussi dans la qualité des dialogues entre Marco Polo et l'empereur Kublai Khan. Alors justement, il faut raconter un petit peu aux auditeurs qui n'auraient pas lu ce livre de quoi il est fait et dire que tout est construit à partir du Livre des Merveilles de Marco Polo, qui est plus qu'une référence dans Les Villes Invisibles. Tout à fait. Dans une large mesure, la manière dont vous posez cette question synthétise bien des éléments de cette conversation. D'abord, la fascination pour le voyage. Marco Polo aura fasciné Calvino pour avoir été un des plus grands voyageurs. Il lui-même voyageait beaucoup, absolument, aimait ça énormément et a fait, absolument, de nombreux récits de voyage. Le deuxième élément est que le Livre des Merveilles est un livre d'images. Chaque ville découverte par Marco est d'abord remarquable par les images qu'elle suscite dans la façon dont il les raconte. La fiction calvinienne, donc, qui doit dater, si je ne me trompe pas, de 1971-72, qui est publiée à ce moment-là, au fond, part d'une situation de communication très simple. Marco Polo se trouve auprès de l'empereur tartare Kublai Khan et celui-ci lui demande de lui raconter et de lui décrire les villes qu'il a pu découvrir dans ses voyages. 55 villes nées de l'imagination de Marco Polo voyageur, avec une remarque finale très fascinante de la part de l'empereur, en lui disant « Tu m'as parlé de toutes les villes que tu as traversées et connues, il y en a une dont tu ne m'as jamais parlé, c'est Venise. Mm-hmm. » Et Marco Polo lui dit « Oui, sire, mais je ne peux rien dire de Venise, parce que Venise est la ville de l'origine. » Et Marco toutes Polo les autres... est évidemment de Venise, oui. C'est un marchand de Venise. C'est ça, et je ne peux parler des autres... que par rapport à Venise, et je ne peux rien dire de cette ville de l'origine, parce que si j'en parlais, sa mémoire s'effacerait. C'est vraiment un très beau texte. Donc en gros, c'est un livre sur la mémoire, c'est ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait, mais une mémoire cumulative, c'est un élément qui ouvrait ce livre, donc auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, et qui pour moi est un livre lointain, écrit en 94. Et au fond, ce livre s'ouvrait sur une remarque qui, par contre, me paraît aujourd'hui toujours cohérente. Calvino aura été toute sa vie fasciné par les rapports entre la littérature et la connaissance. Et au fond, les 55 villes invisibles sont une encyclopédie des villes de la mémoire et des villes du futur, puisque certaines villes évoquent le futur, en fond, des grandes mégapoles, etc. Autrement dit, il s'agit bien d'une cartographie imaginaire des villes de la mémoire, des villes du présent et des villes du monde qui vient. Qu'est-ce qui l'intéresse aussi dans la forme des villes? Est-ce qu'il y a un côté architecte chez lui ou est-ce qu'on est dans autre chose? Je dirais qu'il y a chez Calvino une fascination pour les architectures, mais les architectures dont il emprunte la logique à un grand dessinateur qui l'aura fasciné, là encore, tout au long de sa vie, qui est Steinberg. Mmh. Les architectures de Calvino sont des architectures imaginaires, des architectures improbables, des architectures de la métamorphose, conformes à l'œuvre de Steinberg. Et il est clair, si vous voulez, que lorsque vous lisez une ville invisible, une parmi les 55, les architectures que vous découvrez sont des architectures de la mémoire, des architectures de l'imagination, des architectures enchantées et improbables. Et au fond, ce qui l'intéressait aussi dans le livre de Marco Polo, c'était le côté géographique. Au fond, c'est le premier livre de géographie de l'histoire, ce livre de Marco Polo, qui date de 1298. Et ça, quand on s'intéresse aux étoiles, au futur et au passé lointain, ça ne peut que résonner dans l'imaginaire. Et ça a été le cas sans doute pour Calvino. Oui, c'est tout à fait exact. J'ai eu l'occasion de parler avec Calvino du million, puisque c'est le titre donc des récits de voyage de Marco Polo, le million ou le livre des merveilles. Et Italo Calvino insistait d'abord sur ce que vous dites, à savoir le fait que ce livre de merveilles est le premier livre, au fond, qui mêle un imaginaire chrétien médiéval, mais aussi une étude attentif de la géographie, et en même temps, ce qui fascinait Calvino est le fait que, de retour à Venise, Marco Polo, parce qu'il avait raconté ce qu'il a vu, a été considéré comme un menteur et mis en prison. Mmh. Ce paradoxe entre l'apparition d'une description du monde, avec une tentative de véracité dans cette description, et le fait que cette description devienne quelque chose, faisant la preuve que celui qui dit la vérité ment, aux yeux, en gros, des Vénitiens, est quelque chose qui fascinait Calvino. Alors, on fait depuis le début de cette émission un parcours dans les différentes phases de l'œuvre de Calvino. On va les récapituler, c'est très didactique. Le néoréalisme, puis le conte avec la trilogie. Et on est un peu dans cette troisième phase, ce troisième moment, dont l'une des caractéristiques est le rapport au livre des autres. Parce que c'est un moment où Italo Calvino va devenir un rat de bibliothèque. Il va lire énormément. Et ce livre, La ville invisible, Les villes invisibles, est en rapport avec un autre livre qui est donc celui de Marco Polo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement sur ce parcours dans la bibliothèque qui va être justement l'un des fondements de cette troisième période de Calvino, Philippe Darros? Là encore, je pense qu'on peut donner une réponse précise. Les fonctions d'Italo Calvino dans la maison d'édition Einaudi depuis les années 40 en aura fait d'abord un lecteur de ce qu'il aura appelé le livre des autres. Il est clair que Calvino accepte de publier un livre qui s'appelle en italien Il libro degli altri, qui est la synthèse au fond de tous les comités éditoriaux, de toutes les lettres qu'il a pu écrire à des auteurs dont il rendait compte et sur lesquels il s'expliquait. Premier élément de réponse, oui, Calvino aura été un grand lecteur des autres à travers ses fonctions éditoriales chez l'éditeur Einaudi. Deuxièmement, il est clair que Calvino aura été un grand lecteur pour lui. Il avoue tout au long de sa vie des fascinations qui sont des fascinations sur la littérature américaine, sur la littérature, notamment par exemple de Kafka ou la littérature du 19e d'expression allemande. Il est clair que Calvino aura passé sa vie à lire les autres. Je trouve intéressant de souligner que dans les dernières années de sa vie, il estimait précisément que le monde dans lequel il voulait vivre était celui de la bibliothèque, parce que ce monde des livres n'avait plus à être mis en relation avec le monde extérieur. Autrement dit, le dernier Calvino est un écrivain qui vit dans le monde des livres au sens de la bibliothèque de Babel. C'est de un Borges. Ermite, un oui, ermite à un Paris. Un ermite, exactement. Alors ça nous emmène à cet autre livre qui fut très célèbre, notamment parmi les étudiants en littérature, et qui s'appelle « Si par une nuit d'hiver, un voyageur », livre un petit peu oublié aujourd'hui. Mais là, c'est exactement ce que vous venez de dire, Philippe Darros, puisqu'il ne s'agit que d'écrire des débuts de livres, qui sont des promesses de lecture extraordinaires, mais qu'on n'écrira jamais, c'est ça? Je pense que pour rendre compte de cette tentative dont vous venez de préciser la nature, à savoir écrire non pas un roman, mais proposer 10 débuts de roman ou 10 incipit de roman, il faut remettre dans le contexte des années 70 ce projet de Calvino. Il est clair que la littérature d'avant-garde dans les années 60-70, que vous avez liée à juste titre à l'expérience du nouveau roman, quelle que soit par ailleurs rétrospectivement l'hétérogénéité des romanciers qui composaient ce mouvement, des éditions de Minuit, il est clair que cette littérature atteste d'une volonté qui est de remettre en cause l'idée qu'un roman est une forme complète avec un début, un milieu et une fin. Comme l'était pourtant le conte, mais bon, on a déjà comme parlé de ça. Comme l'était absolument le conte. Il est clair que de ce point de vue-là, l'idée de la complétude de la littérature est vécue comme liée au XIXe siècle et ne correspondant plus aux interrogations que la littérature, dont la littérature va être porteuse dans les années 60. L'idée, au fond, qu'écrire un début est, là encore, écrire un début de texte qui ouvre au possible, faisant que chaque lecteur peut continuer, en quelque sorte, l'histoire en fonction de sa propre subjectivité. Et je crois un rêve qui possède une histoire et qui explique la manière dont Calvino a estimé qu'écrire des débuts était un mode de participation possible de la part de chacun des lecteurs. Mais finalement, ce ne sont pas des livres qui restent tellement, Philippe Darros. Ce n'est pas ceux qu'on a envie de relire aujourd'hui, si? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, plus personne, par exemple, dans mes collègues à l'université, ne met Si par une nuit d'hiver au programme, alors qu'il y a beaucoup encore de programmes qui incluent Les villes invisibles. Monsieur Palomar marche le long d'une plage déserte. Il rencontre de rares baigneurs. Une jeune femme est allongée sur le sable et prend le soleil les seins nus. Palomar, en homme discret, détourne son regard vers l'horizon marin. Il sait qu'en de pareilles circonstances, à l'approche d'un inconnu, les femmes souvent se hâtent de se couvrir, et cela ne lui semble pas bien. C'est dérangeant pour la baigneuse qui prenait tranquillement le soleil. Le passant se sent un gêneur, le tabou de la nudité se trouve implicitement confirmé. Enfin, le respect des conventions à moitié est source d'insécurité et d'incohérence dans le comportement, plutôt que de liberté et de franchise. C'est pourquoi, dès qu'il voit se profiler de loin le nuage rose-bronze d'un torse nu féminin, il se hâte de détourner la tête de façon que la trajectoire de son regard reste suspendue dans le vide et témoigne de son respect courtois pour l'invisible frontière qui enveloppe les personnes. Cependant, pense-t-il, en avançant et en rendant leur liberté de mouvement à ces globes oculaires, dès que l'horizon est dégagé, ainsi faisant, j'affecte un refus de voir, c'est-à-dire que je finis moi aussi par renforcer la convention qui considère comme illicite la vue d'un sein. Ou plutôt, j'institue une sorte de soutien-gorge mental suspendu entre mes yeux et cette poitrine qui m'a semblé fraîche et agréable à voir d'après ce que j'en ai entrevu aux limites de mon champ visuel. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait du dernier roman de Italo Calvino qui s'appelle Palomar, 1983, c'est 2 ans avant sa mort, il est vrai, assez prématuré. Quelle était l'idée, le projet avec ce livre ? Tout d'abord dire que tout à l'heure Philippe Roger évoquait chez Calvino la notion de rire, de sourire ou de plaisir. J'avoue que réécoutant cet extrait donc du sein nu de Palomar, le plaisir même de l'audition est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour les gens qui nous écoutent, Calvino est d'abord un auteur qui très souvent permet de sourire. La réponse maintenant directement à votre question, elle est liée probablement à l'intérêt porté par ce qui sera le dernier Calvino, tout simplement parce que la mort interrompra l'œuvre ensuite, pour la description. Le descriptif est un élément au fond qui fait réapparaître dans les années 80 un intérêt pour la narration comme construction d'une représentation du monde. Les textes brefs qui constituent Palomar, par section, définissant un rapport entre un narrateur qui n'est ni Calvino ni un narrateur extérieur, qui est une sorte de narrateur neutre, enregistre d'abord la relation que chacun d'entre nous peut avoir avec le monde depuis un aspect extrêmement quotidien, la manière dont Monsieur Palomar désherbe son jardin, jusqu'à la contemplation d'un vol de moineaux à Rome ou la contemplation des étoiles. On est dans la poésie là aussi ? Il y a certainement une poésie qui va depuis une poésie de la quotidiennité la plus absolue des choses jusqu'à une poésie cosmique. C'est vraiment la relation, au fond, que chacun d'entre nous peut avoir avec le monde quand la vie s'arrête et ou quand nous nous efforçons de réfléchir à une relation, à un moment particulier, à un objet particulier. Là, évidemment, quelle attitude adopter par rapport au voyeurisme d'un baigneur qui observe une femme ayant les seins nus, avec évidemment un aspect très ludique. Tous les textes de Palomar ne sont pas aussi amusants, mais il est clair que il y a une poésie du quotidien dans le simple fait de s'interroger sur la relation que nous entretenons avec les objets qui nous entourent, avec le monde dans lequel nous nous trouvons. Mmh. Alors vous avez publié votre essai sur Calvino en 1994, ça commence à faire quelques années. Qu'est-ce qui a changé finalement en vous, dans la lecture que vous faites de cet écrivain ? Pour vous dire la vérité, marchant vers la maison de la radio, c'est la question que je me posais. Il est tout à fait clair, que lorsque je rédige ce livre, qui après tout n'est que la transcription d'une thèse faite sur Calvino et le nouveau roman. J'insistais alors beaucoup sur la modernité, entre guillemets, de Calvino, sur la manière dont Calvino avait, à l'image de bien d'autres écrivains de la même époque, remis en cause les critères traditionnels de l'art de raconter. 20 ans après, c'est sur le classicisme de Calvino que j'insisterai, à savoir la manière dont cet écrivain s'inscrit dans une tradition. D'abord une tradition qu'il estime fondamentale dans la littérature italienne, et je pense qu'il a raison. La littérature italienne comme réflexion sur ce qu'est notre relation avec le monde, sur ce qu'est la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle il fait des scientifiques, souvent les plus grands écrivains italiens, mais aussi bien sûr Boccace, mais aussi tous les grands novellistes italiens. Et il est clair qu'aujourd'hui, je vois dans Calvino, effectivement, d'abord un écrivain s'étant constamment interrogé sur ce que signifiait la possibilité de continuer à raconter des histoires à l'usage de notre temps. En cela, Calvino est certes un moderniste, mais aussi quelqu'un cherchant à perpétuer une tradition de la littérature comme un art de raconter. Il me reste à vous remercier chaleureusement, Philippe Darroze, pour ce panorama au pas de course, mais tout de même relativement complet, je crois, de l'œuvre d'Italo Calvino. Nous nous sommes basés donc pour préparer cette émission sur ce livre dont on parlait à l'instant, Italo Calvino, paru en 1994 aux éditions Hachette. Plus récemment, vous avez édité l'ouvrage Cartographie d'une amitié pour Stéphane Michaud en 2017 aux presses Sorbonne Nouvelle. Demain, nous reviendrons en détail sur la trilogie Nos Ancêtres, composée, on l'a dit, du Vicomte Pourfendu, du Baron Perché et du Chevalier Inexistant, retraduit récemment par Martin Rueff. Il sera notre invité, mais tout de suite, c'est le retour de la poésie, et c'est bien sûr avec Jacques Bonafé. Bonjour la compagnie. Gilles Weizenflen fait des lectures de sa poésie avec le musicien David Fenech. Il est lui-même musicien sous le nom de Toug et réalisateur. En préparation, le liseré vert documentaire sur les tables des libraires, Soleil gris-gris. Si je vous demande de survivre là tout de suite, sans aucune préparation, est-ce que vous accepteriez ? Non, d'abord, je ne suis pas sûr que j'en serais capable. Vous voulez dire que vous n'auriez pas cette volonté de survivre ? Je ne suis pas prêt psychologiquement. La survie, c'est tout un monde, des gestes, des codes, un état d'esprit. On ne survit pas comme ça du jour au lendemain. Ça n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, au moment où je vous parle, vous survivez bien ? Oui, mais je ne suis pas en situation de survie. Je vis sans survivre. Paradoxal, pas du tout. Vivre, ce n'est pas survivre. Vivre, c'est d'abord ne pas survivre. Pas d'accord. Vivre, c'est d'abord survivre. Vous êtes par essence en situation de survie. C'est vrai que là, je survis sans m'en rendre compte. Mais si je me trouve soudain en situation de survie, je m'apercevrai qu'il y a au sein même de mon existence une opération de survie qui est en cours et dont l'enjeu est ma propre vie. Vous savez très bien pourquoi j'ai choisi la poésie. J'ai vu la fortune amassée en quelques années par le poète Charles Penquin, ses propriétés de Marrakech, Dubaï, Miami, Londres, Saint-Moritz, Palm Springs, la démesure de ses fêtes où l'on croise toute la jet-set internationale, Paris Hilton, les Beckham, des filles sublimes comme Kirsten Dunst, Giglio. Rien qu'à Dubaï, c'est sauna, hammam et shiatsu à tous les étages. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'y arriverais aussi. Non pas par l'immobilier, la finance, les sectes, les médias, le X. Non, tout ça c'est terminé, ça rapporte plus assez. Si on veut faire de l'argent aujourd'hui, c'est la poésie. C'est en écrivant ces poèmes que Charles Penquin est devenu l'égal de Donald Trump. D'ailleurs, j'ai demandé à Ivana si elle aime la poésie. Elle m'a répondu entre deux bras qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour lire. Je lui ai lu un poème de Charles qui passait justement par là avec sa nouvelle russe. Ivana a fait semblant d'écouter. En sortant de l'eau, elle s'est jetée sur lui en lui disant que ses poèmes, ça la faisait chialer. La Russe lui a lancé un regard à glacer une mer de champagne. Charles est parti de son grand éclat de rire. Il a tout de suite décoincé l'atmosphère. Ça a commencé à batifoler sur les transats. On a tous fini à poil dans la piscine à 5h du mat. Soleil gris-gris, Gilles Weizenflen. Un autre endroit du livre, il fait un hommage à son père, disparu. Quelques minutes avant de mourir, mon père reçut la visite d'une infirmière qu'il avait surnommée « Voilà ». Suivant son habitude de rebaptiser chacun selon une attitude ou un geste spécifique, un tic de langage. Voilà, signalant son entrée et sa sortie de la chambre d'hôpital par la formule éponyme, mon père avait fait d'elle une arrivante perpétuelle, perpétuellement anonyme. Quand voilà pris congé de lui pour la dernière fois, elle l'entendit prononcer un ultime « Salut, voilà ». D'après le témoignage de voilà, cette parole fut la dernière adresse de mon père au monde des vivants. Mon père avait de belles mains, des ongles réguliers, aux lunules parfaitement dessinées. Sa vie durant, son petit orteil gauche chevaucha son voisin immédiat. Souffrait-il dans ses chaussures ? Merci Jacques Bonafé pour ses poèmes de Gilles Veinzeflen.